بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحباء. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 27 mai 2023, correspondant au 7 du mois de l'Qa'da de l'année 1444 de l'Hégire. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble ces cours dont le sujet est le grand pèlerinage. Cette adoration qui est une obligation une fois dans la vie et qui représente un des piliers de l'islam et un de ses fondements importants, d'où l'importance de l'accomplir avec science. Car la science, c'est le seul moyen d'arriver à la sincérité et également à la conformité à la sunna. Dans le cours précédent, nous avons parlé de l'importance du pèlerinage d'une manière générale et nous avons terminé avec des fawaïd qui concernent les différentes ou les différents enseignements qu'on puisse tirer rien que de talbiya. At-talbiya qui est shi'ar al-hajj, la formule la plus répétée dans le pèlerinage, dès que tu entres dans l'état de sacralisation, tu commences par dire at-talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tu dis, me voici mon Seigneur, répondant à ton appel. Me voici. Me voici sans rien t'associer. Me voici, la louange, la grâce sont les tiennes, ainsi que la royauté, sans aucun associé. Donc, cette telbiya qui comporte énormément de sens, on avait vu quelques-uns de ces sens-là. Quand tu dis labbayk Allahumma labbayk, labbayk, c'est ce que dit le serviteur à son maître, même avant l'islam. Dans la langue arabe, quand tu dis à quelqu'un labbayk, c'est pour montrer que tu réponds à son appel. Et dans le pèlerinage, nous répondons à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui nous a invités à accomplir cette adoration. Et tu dis labbayk et tu la répètes dans la première phrase, afin de confirmer ce sens. Afin de confirmer ce sens. Également, at-talbiya comporte le sens de la soumission. Comme j'ai dit, le serviteur, quand son maître l'appelle, il dit labbayk, afin de répondre avec soumission. Soumission à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, elle comporte le sens de la constance et de l'assiduité dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. la constance et l'assiduité dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Labbayk Allahumma labbayk. Également, tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il aime. Car quand tu dis labbayk, tu vas faire ce qu'il t'a été ordonné et tu vas le faire avec soumission et tu vas faire preuve de constance en cela et bien évidemment tu vas faire ce que aime celui qui t'a appelé et invité à cela. At-talbiya est dérivé aussi du terme al-lub, la pulpe. Car at-talbiya comporte la sincérité. Et la pulpe de l'adoration et de notre religion, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-lub, c'est l'essence et la pulpe de toute chose. Et la pulpe et l'essence de notre religion, c'est justement la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous appelons la parole la ilaha illallah, la parole de la sincérité. Et notre religion se résume dans la parole d'Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. At-talbiya également implique que tu répondes à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec épanouissement, en étant heureux de cela. C'est pas tu fais ça, tu fais quelque chose malgré toi, contre ton gré. Non. Le croyant, il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant heureux de cela, qu'Allah lui a permis d'accomplir cette adoration. Et at-talbiya aussi dérivé du terme labba. Les Arabes disent une femme labba, une femme qui aime son mari. Donc, tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec amour d'Allah et amour de son adoration et de son obéissance. Et également parmi les significations que l'imam Ibn al-Qayyim a citées, c'est al-ilbab qui signifie la proximité. Tu te rapproches d'Allah avec cette adoration en cherchant sa proximité, en cherchant à s'approcher de lui. Alors regardez tous ces sens que comporte rien que la première parole que tu prononces en commençant ton pèlerinage. Et imagine si tu arrives à avoir à l'esprit ces significations et ces sens quand tu dis « Labbayk Allahumma labbayk ». Et pour ceux qui commencent leur pèlerinage depuis Médine, ils vont dire cette parole, ils vont la répéter jusqu'à arriver devant le Kaaba. Yani pendant plusieurs heures à répéter cette parole. Et les formules en islam comportent des sens. Et celui qui tire le plus grand profit de la répétition de ces formules, c'est celui qui médite leur sens. Alors, note bien tous ces sens qui sont dans At-Talbiya et révise-les souvent jusqu'au début du pèlerinage afin d'avoir à l'esprit ne serait-ce qu'une partie de ces significations. Tu dis, je réponds à l'appel d'Allah en espérant qu'il t'accepte. C'est pas parce que tu as fait le pèlerinage que ton pèlerinage sera accepté. Tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant avoir la sincérité et la conformité à la sunna dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu fais. Et ça demande des efforts. et ça demande de l'apprentissage. Premièrement, des efforts dans l'apprentissage. Et ça demande de le faire par amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça nécessite que tu connaisses Allah, que tu apprennes Tawhid. Et le pèlerinage, c'est le voyage de Tawhid. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aborder un autre aspect extrêmement important du pèlerinage, qui est son rôle dans la purification de l'âme, son rôle dans l'éducation de l'âme du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajja, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Dans le sens approximatif de ces versets, Allah nous dit, le pèlerinage se fait pendant des mois bien connus, les mois du pèlerinage, le mois de Shawwal, le mois de Dhul-Qa'da et le mois de Dhul-Hijja. Que celui qui entreprend de le faire, qu'il sache ceci. Point de rapport sexuel, point de débauche et de perversité, et point de dispute et de querelle pendant le Hajj. Quelque bien que vous fassiez, alors Allah certes le sait. Prenez avec vous des provisions en sachant que la meilleure des provisions est la piété. Et craignez-moi, ô vous qui avez l'esprit sagace. Ô vous qui êtes doués de bon sens et de bon raisonnement. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. Dans le sens approximatif, appelle les hommes au Hajj. Ils viendront vers toi à pied ou à dos de monture ou à dos de monture efflanqués par les chemins les plus éloignés. Pourquoi ils viennent ? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Pour être témoins des avantages qui leur seront réservés et invoquer en des jours déterminés le nom d'Allah, ce qu'il leur a dispensé comme bétail. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et dans hadith Abi Huraira رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, regardez, ce hadith y comporte énormément de fawaïd et de leçons à tirer. Tout d'abord, la sincérité. من حج لله, et non pas celui qui fait le hajj pour avoir le titre de le hajj ou pour que les gens l'estiment plus. Il fait le hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. Man hajja lillahi. Ça, c'est la première condition et la condition la plus importante. Ensuite, falam yarfuth. Falam yarfuth. Il n'a pas commis de rapport sexuel. Et Al-Rafath, ça se dit des rapports sexuels, et ça se dit également des préliminaires des rapports sexuels, et ça se dit également des paroles grossières. Et des paroles indécentes. Ça se dit de tout ça. Donc tout ça rentre. Mais ce qui rentre en premier lieu, c'est bien évidemment les rapports. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, il ne tombe pas dans le rafath, ni dans le fisq. Le fisq, c'est toute forme de perversité, de débauche et de péché. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah et pendant son pèlerinage, il ne transgresse aucune limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne commet aucun péché. Car la perversité et la débauche, ça englobe tous les péchés, sans exception. Il n'a pas eu de rapport, il s'est éloigné des femmes, comme Allah lui a ordonné, et il s'est éloigné des préliminaires, également des relations intimes, et il s'est éloigné également des paroles grossières. Celui-là, quelle est sa récompense? Nabi alayhi sallam a dit, Raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh. Il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire, il reviendra sans péché. Et le sens apparent de ce hadith, c'est que tous les péchés sans exception sont pardonnés. Que ce soit les petits péchés, les grands péchés, et même les droits des créatures. C'est ça le sens apparent de ce hadith. Il reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et le jour où sa mère l'a mis au monde, il n'avait aucun péché, bien évidemment. Alors, comment comprendre ça? Les savants ont dit que ce sens apparent est vrai quand les conditions sont réunies. Quand les conditions sont réunies. Et les conditions, c'est tout d'abord, avant ton pèlerinage, et ça on va y revenir quand on parlera des préparatifs du pèlerinage, avant ton pèlerinage, tu dois te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de tous les péchés. Donc, quelqu'un qui s'est repenti de tous ses péchés et qui a rendu les droits aux ayants droit. Et ensuite, il a accompli son pèlerinage en s'éloignant de Rafath et de l'Fusouq. Bien évidemment, celui-là, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et il n'y a pas de divergence entre les savants à ce sujet-là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se repent pas des péchés. Quelqu'un qui commettait des grands péchés et il part faire le pèlerinage, il ne s'est pas repenti de ses péchés. Ou quelqu'un qui avait fait du tort aux créatures et qui ne leur aurait pas demandé le pardon ou rendre les droits à ces créatures, celui-là, il n'aura pas cette récompense. Dans une autre version, An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit Man hajja hadha al-bayta, celui qui fait le pèlerinage vers cette maison, yani la maison sacrée d'Allah. Et dans une autre version de ce hadith, Man ata hadha al-bayt, celui qui se rend à cette maison, la maison sacrée d'Allah. Et selon cette dernière narration du hadith, la récompense est promise pour ceux qui accomplissent le pèlerinage et l'umrah également. Et dans la narration de Tirmidhi, de ce hadith, à la fin il est dit, Nabi alayhi sallam a dit, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc, ça également, c'est avec les conditions que nous avons vues. Il se repent à Allah de tous ses péchés. Et il rend les droits aux ayants droit, et il accomplit son pèlerinage sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en se conformant à la sunna dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, et en s'écartant de rafath et de l'fousouq. Celui-là, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Le pèlerinage également est une cause pour chasser la pauvreté. Le pèlerinage est parmi les causes de la richesse, comme le mariage. C'est une cause de richesse. Comme l'hijra, c'est une cause de richesse. Et d'une manière générale, ça c'est les choses par rapport auxquelles qui me viennent à l'esprit maintenant, et par rapport auxquelles il y a des dalils spécifiques. Mais il faut savoir que d'une manière générale, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager est une cause de richesse. Et la désobéissance est une cause de pauvreté. Donc, comme le Nabi alayhi salatu wa salam a dit, il a dit تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Le Nabi alayhi salatu wa salam dit, accomplissez le pèlerinage et la umra une fois après l'autre. Yani à chaque fois que vous avez la possibilité, accomplissez ces adorations. Car elles éliminent les péchés et la pauvreté comme le soufflet du forgeron élimine la rouille du fer. Quand on ramène yani une pièce métallique rouillée et on la frappe avec du feu, il la nettoie en très très peu de temps. Celui qui a déjà observé ce phénomène, ça devient propre en très peu de temps. De même, l'accomplissement du pèlerinage et de l'umra permettent d'effacer, d'éliminer les péchés et la pauvreté. Et le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam dit, comme dans l'authentique de l'imam muslim, Al-Hajj al-Mabrour, ليس له جزاء إلا الجنة الله أكبر. Le pèlerinage accepté n'a de récompense que le paradis. Le pèlerinage accepté, sa récompense, c'est le paradis. Et parmi les signes du pèlerinage accepté, il y a des signes que tu constates pendant ton pèlerinage et des signes que tu constates après ton pèlerinage. Pendant ton pèlerinage, c'est ton attachement à la sincérité et ton attachement au suivi du prophète alayhi salatu wasalam, à apprendre comme il a accompli son pèlerinage et à l'accomplir comme lui l'a accompli. Ça, c'est parmi les grands signes de l'acceptation pendant le pèlerinage. C'est que durant ton pèlerinage, que tu sois attaché à la sincérité et à la sunna. Dans tout ce que tu dis, et dans tout ce que tu fais, et dans tout ce que tu crois également. Il y a des signes que tu constates après ton pèlerinage. Des signes que tu constates après ton pèlerinage, c'est que la personne se réforme d'une manière générale. Et comme je vous ai dit, et ça je l'ai constaté chez énormément de personnes, c'est que le pèlerinage change la façon de réfléchir, change la façon, la vision des choses, change, yani, c'est un bouleversement de la vie, dans le bon sens, bien évidemment. Des personnes qui étaient dans le rafla, dans l'insouciance, dont l'objectif était dunya, et non pas l'au-delà, des muslimines. Lakin, sa priorité dans cette dunya, c'est l'argent, la richesse, construire des maisons, et après l'accomplissement du pèlerinage, ça a été une cause d'un grand changement dans leur vie, un changement radical dans leur vie, et dans leur vision des choses, et dans la valeur des choses aussi. Donc, le pèlerinage, parmi les signes d'un pèlerinage accepté, c'est cette réforme dans la vie de la personne. Et une augmentation dans son attachement aux adorations. Et éloignement des péchés. C'est ainsi qu'il passe d'un mauvais état vers un bon état. Et d'un bon état vers un état meilleur. Par rapport à la sincérité, comme il a été rapporté de Uhayb ibn al-Ward, rahimahullah, quand il lisait « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ وَرَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا » Ibrahim a.s. il construit la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est qui il est auprès d'Allah. Il a atteint ce degré que seulement deux hommes l'ont atteint de tous les fils de Adam sans exception. Donc, Ibrahim, le statut de Ibrahim, la valeur et le mérite de son acte, et c'est un acte qu'il fait avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout ça, il espère l'acceptation. Rabbana taqabbal minna. Si Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah l'acceptation, comment toi, tu peux croire qu'il suffit de faire une bonne action pour qu'elle soit acceptée? C'est pour ça, yani, beaucoup d'entre nous, notre souci, c'est uniquement d'accomplir la bonne action et l'adoration. Salaf, comme vous savez, par rapport à Ramadan, sahaba radiyallahu anhum, il se préparait à Ramadan pendant 6 mois. Et après le passage de Ramadan et la fin de Ramadan, ils invoquaient Allah pendant 6 mois qu'il accepte de cette adoration. Donc, il faut que ce soit aussi parmi nos préoccupations, parmi nos soucis, est-ce que Allah a accepté de moi ou pas? Et toujours se remettre en cause et se juger soi-même avant que tu ne sois jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj également, mes frères, c'est une adoration dans laquelle se manifeste d'une manière apparente l'obéissance à Allah, où le croyant répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce voyage qui peut être très coûteux pour lui, surtout pour ceux qui viennent des pays de l'islam où les gens ont des moyens modestes, et il y en a qui travaillent toute leur vie en mettant des économies de côté afin de pouvoir faire le hajj avant leur mort. Et il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Donc, le croyant, il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec soumission et dévotion et humilité. Le pèlerin, il quitte ses envies et ses habitudes et les membres de sa famille et les gens de sa ville et de son pays. Il laisse tout ça derrière lui et il émigre vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Une immigration avec le cœur avant tout et ensuite avec le corps. Il délaisse derrière lui ses biens, sa famille, et il va vers un autre pays qui n'est pas le sien, et il va vers d'autres habitudes qui ne sont pas ses habitudes. Et avant d'entrer dans cet état de sacralisation, il va se débarrasser de tous ses vêtements. Il va se contenter de deux morceaux de tissu. Et il va laisser sa tête découverte. Il ne va même pas couvrir sa tête. Et il va également s'éloigner du parfum des femmes et de toutes ces choses qu'il aime, en disant « Labbayk Allahumma labbayk » en montrant sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il répond à son appel et qu'il se soumet à son jugement et qu'il exécute ses ordres en s'écartant de ses interdits. Al-Hajj également, mes frères, parmi ses plus grands objectifs, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un objectif uniquement dans le pèlerinage. C'est un objectif dans toutes les adorations sans exception. C'est pour ça l'adoration la plus aimée par Allah, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est meilleur que de dépenser l'or et l'argent, de rencontrer les ennemis d'Allah dans le combat légiféré, et non pas le combat des khawarij et des tekfiriyin, dans les combats légiférés, et de tuer les ennemis d'Allah et de se faire tuer par les ennemis d'Allah. L'évocation d'Allah est meilleure que tout ça, et plus aimée par Allah que tout ça. Et toutes ces adorations ont été légiférées en réalité afin d'accomplir l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le meilleur dans chaque adoration, c'est celui qui évoque Allah le plus dans cette adoration. Le meilleur dans chaque adoration, c'est celui qui évoque Allah le plus dans cette adoration. Le meilleur des jeûneurs, c'est celui qui évoque Allah le plus dans son jeûne. Le meilleur des pèlerins, c'est celui qui évoquera Allah le plus dans son pèlerinage. Le Nabi alayhi salam dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Abu Dawud, selon notre mère, la pure Aïcha, qu'Allah l'agrée et qu'Allah maudisse ceux qui disent du mal d'elle et qu'il accuse dans son honneur après qu'Allah l'a innocenté. Elle rapporte de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam qu'il a dit Innama ju'ilat tawafu bil bayti was-sa'i bayna as-safa wal-marwa wa rami al-jimar li iqamati dhikri Allah 'azza wa jalla. Innama ju'ilat tawafu bil bayti والسعي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. النودي رضي الله عنها كل بخوفة عليه الصلاة والسلام دي الطواف autour de la Kaaba ainsi que le sa'i entre Safa et Marwa et la lapidation des stèles, tout ça a été légiféré afin d'accomplir l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin d'accomplir l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, ya ikhwa, sachez que l'invocation fait partie de l'évocation. Quand tu invoques Allah, tu l'évoques également. Lakin, l'évocation d'Allah est plus générale que l'invocation. Car l'invocation, c'est quand tu demandes à Allah explicitement. Tu dis, Allah, donne-moi la santé, donne-moi la richesse, accorde-moi le paradis, préserve-moi de l'enfer. Ça, c'est l'invocation. Et l'évocation, c'est plus général. Car l'évocation, c'est une demande implicite. T'accomplis ce que Allah aime en espérant son pardon, en espérant sa miséricorde, en espérant sa récompense et en fuyant l'inverse. Un homme a interrogé notre messager, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, quel est le meilleur du djihad? Quel est le djihad dans lequel il y a la plus grande récompense? Il a dit, celui qui évoque Allah le plus dans son djihad. Quels sont les meilleurs déjeuneurs? Il a dit, de même. Ceux qui évoquent Allah le plus dans leur jeûne. Il a été interrogé au sujet de la salat, au sujet de zakat, au sujet de sadaqa, au sujet du pèlerinage. Et dans toutes ces questions, il répondait, alayhi salatu wassalam, avec la même réponse. Suite à cela, Abu Bakr a dit à Omar, qui écoutait ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr a dit à Omar, radiyallahu anhu, il lui a dit, ya Aba Hafs, ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أبو بكر رضي الله عمر ceux qui évoquent Allah sont partis avec toutes les récompenses. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit si. Donc c'est pour ça les savants ont pris de ce hadith une règle, comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres, que le meilleur dans chaque adoration, c'est celui qui évoque Allah le plus dans cette adoration. Al-Hajj est une adoration dans laquelle se manifeste la confiance en Allah. Al-Tawakkul. Et Al-Tawakkul, c'est la base de tout, c'est la base de tous les degrés de la religion et de tous les niveaux de la foi. Et tawakkul, comme vous savez, c'est une adoration du cœur. Et tawakkul, c'est une adoration du cœur, dans laquelle le croyant place sa confiance et s'en remet totalement à celui en lequel il a confiance, Allah subhanahu wa ta'ala. Il se remet à Allah, il délègue toutes ces affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, en étant pleinement satisfait de sa décision et de son décret, car il sait que Allah lui suffit et que le choix d'Allah pour lui est meilleur que son choix pour lui-même. Et quand cette confiance en Allah augmente, le serviteur, il arrive à préférer ce que Allah a voulu pour lui que ce que lui aurait voulu pour sa personne. Car Allah est omniscient et lui ne connaît que certains points et certains points de vue de la question qui est demandée. Lui, il aurait aimé telle chose, mais peut-être qu'il y avait un grand mal dans cette chose-là. Donc Allah est plus savant, Allah est plus clément, Allah est plus miséricordieux, Allah est plus sage. C'est pour ça, il arrive à ce degré de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en apprenant ses noms et ses attributs et leur signification, il arrive à placer sa confiance totalement en Allah et préférer le choix d'Allah sur son choix pour lui-même. Et il lui délègue toutes ses affaires, tout en faisant les causes légiférées. Tawakkul, ça ne s'oppose pas avec les causes. Mais les causes ne rentrent pas dans tawakkul. Tawakkul, c'est un acte du cœur. Mais le signe d'un bon tawakkul, c'est que tu fasses les causes. Quelqu'un qui délaisse les causes, il prétend avoir tawakkul, on lui dit c'est faux. Car tawakkul implique que tu fasses les causes légiférées. Les causes, c'est pas les causes interdites. Pour avoir un risque, tu vas pas travailler dans un travail interdit. Si jamais il y a un problème avec le sang ou quelque chose comme ça, si vous pouvez me le signaler sur Mixler. Si vous avez des questions également, envoyez-les sur Mixler. Barakallahu fikoum. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit: لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر. حديث عظيم. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin, ils sortent de leur nid, ils quittent leur nid en ayant le ventre vide. Ils reviennent le soir, le ventre rempli. Ça, c'est at-tawakkul. Et c'est pour ça que les causes, yani, est un signe d'un bon tawakkul, d'un tawakkul juste. Parce que les oiseaux, ils quittent leur nid. Même les oiseaux, ils font les causes. Amma, rester chez soi et espérer rizq, non. Ça, c'est pas tawakkul. At-tawakkul, c'est un acte du cœur, je le répète pour son importance. C'est un acte purement du cœur. C'est une confiance, c'est un apaisement que tu ressens dans ton cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette confiance augmente avec la science, avec la connaissance d'Allah. C'est pour ça, quand tu connais un roi puissant, riche, généreux, il te promet de te donner une chose, tu ne vas jamais douter de cela. Pourtant, Allah t'a promis des choses et tu doutes encore. La preuve de tes doutes, c'est que tu n'agis pas comme Allah t'a ordonné. Et ça, tu peux le voir dans beaucoup de choses dans ta vie. Et je ne parle pas de vous sans parler de ma personne. Nous avons ces faiblesses, nous avons ces lacunes, et cette vie est un terrain de travail afin de se perfectionner et se réformer jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne va jamais cesser. Et ça ne doit jamais cesser. Donc, à travers l'adoration de Al-Hajj, on voit ce tawakkul. On voit ce tawakkul et c'est une occasion de le travailler et de le faire augmenter. Aussi, le pèlerinage est une occasion pour le croyant de se repentir de tous ses péchés. Comme on a vu précédemment, le pèlerinage est une cause pour se repentir de tous ses péchés et d'être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté dans les deux authentiques selon Abu Huraira, man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min hajj raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah et qui ne tombe pas, et qui ne commet pas de rapport sexuel, ni de perversité, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Rapporté dans les deux authentiques. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit à Amr ibn al-As, quand il est entré en islam, il lui a dit: tu n'as pas su que l'islam démolit ce qui l'a précédé? Et tu n'as pas su que l'émigration démolit ce qui l'a précédé? Et tu n'as pas su que le pèlerinage démolit ce qui l'a précédé? Dans l'authentique de l'imam muslim. Yani démolit, ça veut dire effacer. L'islam est une cause d'effacement de tous les péchés précédents, avant l'islam. Et bien évidemment, quand il y a la personne a un argent haram ou quelque chose qu'elle a eu yani qui appartient à une personne, il faut qu'elle rende les droits aux ayants droit, même avec l'islam. Quelqu'un a pris des objets appartenant à une autre personne, il entre dans l'islam, il faut qu'il rende ces choses-là à leur propriétaire. Lakin, les péchés entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça est pardonné avec l'islam, et même ces péchés-là, Allah il les transforme en des bonnes actions pour ce serviteur qui a été sincère. Et de même pour les migrations, et de même pour le pèlerinage. Ce hadith a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Selon notre mère Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: il n'y a pas un jour dans lequel Allah affranchit plus de serviteurs du feu de l'enfer comme le jour de Arafah. Et Allah, dans le jour de Arafah, il se rapproche de ses serviteurs et il les vante auprès de ses anges. Il dit: qu'est-ce que ces gens-là ont voulu? Qu'est-ce qu'ils veulent? Yani Allah subhanahu wa ta'ala les vante auprès des anges, il montre aux anges les mérites de ces hommes et ces femmes qui sont venus afin d'accomplir cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les conditions du repentir, comme beaucoup de savants les ont mentionné, notamment An-Nawawi rahimahullah dans Riyad Salihin, il a mentionner les conditions du repentir sincère. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu regrettes ton péché, tu le délaisses et tu mets la ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché. Et si c'est un péché vis-à-vis de la créature, tu lui demandes de te pardonner ou tu lui rends ses droits. Sauf dans le cas où ceci risque de provoquer un mal plus grand. Quelqu'un qui a dit du mal d'une personne, il ne va pas la voir et lui dire: voilà, j'ai dit de toi ça et ça et ça et ça. Car ça, en général, ça risque de provoquer un plus grand mal. Les savants disent, il lui fait des invocations et il la cite en bien dans ces assises-là dans lesquelles il la citait en mal. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter ici et nous continuerons inshallah ta'ala la semaine prochaine. Et comme je vous ai dit, après 2 semaines inshallah, je vais avoir plus de temps et peut-être qu'on fera des cours tous les jours bi'idhnillah jusqu'à terminer ces cours au sujet du pèlerinage bien avant le début du pèlerinage, afin que ce soit inshallah ta'ala profitable pour moi le premier et pour mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala qui souhaitent accomplir le pèlerinage cette année. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Il y a quelqu'un qui a envoyé une question. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. La récompense d'effacement de péché est-elle valable uniquement pour la première fois qu'on fait le hajj ou pour chaque fois que l'on fait le hajj? Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Non, c'est pour chaque fois. Le Nabi alayhi sallam a dit man hajja, yani à chaque fois que tu fais le hajj, tu rentres dans cette récompense. Man hajja, toute personne qui fait le hajj, et à chaque fois qu'elle fait le hajj, elle peut espérer cette récompense, surtout quand les conditions sont réunies. Wallahu a'lam.